du fil des plombs pour le midi. La joie est simple, elle nous sourit. Faut que y en a qui se lèvent tôt. C'est la France qui fait du vélo. D'où viennent toutes ces belles lumières qui pendouillent au bras de la rivière. On a troqué nos vieilles chignoles contre un espace d'arpicicole maquillé en poisson volant. On a tué nos cerfs-volants. C'est pas le tout de faire des ronds dans l'eau. Nous ce qu'on veut c'est ramener du gros. Pour le safari truite, on a misé la réussite. Depuis 2 heures, 3 packs de bière, 6 jambons beurre. Alors on se dit qu'on n'est pas con, qu'on va torpiller par le fond. Que pour parler la truite, rien tel que le bâton de dynamite. On a explosé la frayère, adieu la rime, le lampadaire. On se fait courser par les pecnos. On se casse la gueule dans les roseaux. On échappe bien de nos gros chinaires qui nous courent jusqu'à la lisière. Mais c'est perdu dans la bouillasse que le vieux René nous caillasse.